les jeudis de 18h30 à 20h sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You, avec Marie et Francis. Vous aurez du blues, vous aurez du rock, vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Stop the traffic on the street. My pretty baby, she's so fine. Brought our sight to the blind. Found my baby 3 years ago. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Avec moi, comme tous les jeudis, Francis Omanette. Eh oui, Francis Omanette. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Et avec nous dans les studios, deux invités. Jérôme. C'est ça. Bonjour. Et, bonjour. Et Guillaume. Oui, bonjour. Alors, vous êtes venus pour présenter la 7e édition du festival Blues Rock La Forge. Tout à fait, c'est ça. Qui se déroule à côté de Tournai. Ah, c'est ça, à Quart, à 10 km de Tournai. Petit village. 7 octobre. Big day now you're my loving man. Found my baby 3 years ago. She gave me the key to her door. Found my baby down New Orleans. Pretty little thing on the TV screen. Donc, comme je vous le disais, nous sommes ce soir avec Jérôme et Guillaume, programmateur musical et organisateur de cette 7e édition. Donc, on dit quoi, La Forge Festival, tout simplement? Oui, tout simplement. Ouais. On a cherché un nom qui était simple, direct, efficace. Alors, Guillaume, je vais te laisser, puisque toi, tu as plus la partie programmation en main. Dire où ça se passe, donner la date, le prix peut-être, vas-y. Oui, tout à fait, oui. Mais ça se passe donc à Quart, hein. Quart, c'est un petit village de 100 habitants à l'extrémité de Tournai, donc on est à 10 minutes en voiture de Tournai. Ça se déroule le samedi 7 octobre à partir de 18h. On a un prix d'entrée de 7€, il n'y a pas de prévente, donc ticket uniquement sur place. Pour 6 groupes. Pour 6 groupes, un DJ, oui, c'est ça, oui. Six groupes donc qui ont été choisis par Jérôme. C'est ça. Tu t'occupes seul de la programmation musicale, Jérôme? Non, souvent on fonctionne par des groupes qu'on a vus ou que j'ai vus, mais vu qu'on traîne souvent ensemble au concert, souvent on voit les mêmes choses, on entend les mêmes choses. Donc forcément, il y a des groupes, par exemple Bibi and the Blue Shacks, que là j'ai choisi, que je n'ai jamais vu, mais que je sais que c'est une valeur sûre. Et que tu avais envie de voir, justement. Voilà, c'est ça. Et sinon, c'est des groupes que c'est vu, apprécié, entendu. Et du coup, voilà, ils se retrouvent forcément chez nous, avec grand plaisir. Quand tu dis on, vous n'êtes pas que deux? Non, on était à la base, il y a 7 ans, on a commencé à deux, mais pas avec Jérôme, mais j'ai commencé avec un autre copain, Sébastien. Et Jérôme s'est très fort impliqué dans cette première édition, donc très naturellement il s'est joint à nous pour la deuxième. Et on a fait quelques années comme ça à trois, mais on a toujours été très bien entourés. Et puis ici dernièrement on a élargi à une dizaine de personnes. parce que malgré tout, bon, 7 ans, donc l'organisation prend du temps. Oui. Donc voilà, mais le noyau dur, si je puis dire, c'est, voilà, on est trois, Sébastien, Jérôme et moi. Ok, bénévole. Évidemment, aucun but lucratif derrière ce festival. Comme beaucoup d'organisateurs. Bien sûr. Alors on va commencer à parler maintenant de la programmation musicale, donc avec toi Jérôme et avec le premier groupe que les gens pourront voir sur scène, donc le 7 octobre à partir de 18h, il s'agit de Les Illouis. Les Illouis, oui. Tu peux nous parler de lui un petit peu ? Alors Les Illouis, c'est Patrick Louis, de la région des Ardennes. Ouais, c'est un guitariste qui tourne et qui est fort connu dans la scène blues belge, avec des formations, toutes les formations, les featuring qu'il a déjà fait avant. Et là, du coup, c'est son duo qui fait, donc c'est batterie et guitare-chant. Oui. Très blues, très muddy blues, enfin voilà, ça correspond exactement à l'ambiance qu'on veut donner à la petite scène. Et puis, voilà, Patrick Louis... c'est quelqu'un qui est exactement dans le délire du festival, très roots, très, allez, bonne ambiance et tout. Donc il a largement sa place au festival. Donc c'est avec un grand plaisir que Pat vient à la maison, si je puis dire. Eh bien, on va écouter donc Les Illouis qui débutent ce festival. Yeah. ouvrira donc cette 7e édition de la Forge Festival qui, je vous le répète, se déroulera le 7 octobre à Quartz à partir de 18h. Alors Jérôme, tu disais Lazy Louis sera sur la petite scène. Guillaume, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment se passe ce festival ? En fait, on fonctionne avec deux scènes, une scène principale sous chapiteau et une plus petite scène côté cour. En fait, pour ce festival de la Forge, on squatte des jardins et des cours, tout simplement. C'est vrai que c'est, les gens ont parfois un peu du mal à imaginer qu'il y a un petit festival qui se déroule là. Donc, c'est vrai qu'il faut monter un petit chemin sur 200 mètres au milieu de nulle part pour arriver derrière une cour. Et puis, dans cette cour, se situe la petite scène. Okay. Donc voilà, on a un côté cour et un côté plus verger, j'ai envie de dire, puisqu'on squatte le verger de mes parents pour mettre le chapiteau. Donc voilà, on s'est un peu étendu. Moi, c'est pas ça, il y a encore des jardins aux alentours, si jamais il faut. S'il faut un troisième chapiteau pour l'année prochaine. Pourquoi pas, on va en discuter avec les voisins. Mais donc voilà, donc cette petite scène se situe dans la cour. Et donc le principe petite scène, grande scène permet évidemment qu'il n'y ait pas de temps mort entre les groupes. Quoi. C'est ça le but. Quoi. Il y a de plus en plus de festivals qui font... Puis pour le public, c'est bien. Hein. Ouais, je crois que c'est fini le temps où c'était des groupes qui suivaient, où il y avait 2 heures de retard à la fin du festival. C'était une catastrophe. Oui, oui. Donc maintenant, je pense qu'on a affaire à une bonne technique. Enfin, en tout cas, chez nous, on n'a jamais accusé le moindre retard, ce qui est quand même très agréable. Ouais. Et donc, du coup, le fait de passer d'une scène à l'autre permet de rattraper un retard éventuel. Oui, quoi. Donc, ça fonctionne très bien. Et alors, Jérôme, un deuxième groupe sera sur cette petite scène. Tout à fait, Subway Cowboys, qui est un groupe parisien. Donc c'est des musiciens en partie d'un groupe de Swinging Dice qui sont déjà venus jouer dans la Forge, mais en dehors du festival. Mm-hmm. Et voilà, ils ont monté un groupe plus country. Et voilà, ils me demandaient, vu qu'ils savaient qu'on démarrait un festival, autour de cette forge, ils avaient demandé à l'occasion, ce serait bien qu'on vienne jouer dans le cadre du festival. Et voilà, donc les Subway Cowboys, on n'avait pas encore eu de groupe country, donc c'était l'occasion de faire venir un petit peu de cette atmosphère assez festive. Donc voilà, l'occasion s'y prête bien, et donc c'est avec grand plaisir qu'ils viennent chez nous en plus. Eh ben donc on va les écouter, voilà. The Subway Cowboys. Allez, c'est parti. Les cowboys du métro parisien, alors. C'est ça, va. On écoute. Subway Cowboys. The Subway Cowboys. How could I spend my money on one last brand of home liquor? Well, all I had to bring my honey was 2 pound steak for supper. The one thing I always end up doing is stop by the woods for the small and furry. Wait till night is coming for the cheapest meat in the county. Possum's good for you, possum's good for you. It sure don't taste like chicken, but by God it will do. Chance on my way to the spot, zero kill on the roadside. Take my shovel in the back of the truck, scrape it up in no time. In case my meat doesn't work out, and see out there what's trying to hide. Make it freeze with my headlight, bang one dead critter in the moonshine. Possum's good for you, possum's good for you. It sure don't taste like chicken, but by God it will do. Devil's dance in return for this big fat possum that I'd leave in her good capable hands. I know it's late, but honey, stop saying I'm not able. Get the taters, get the gravy, I'll put French meat on the table. Possum's good for you, possum's good for you. It sure don't taste like chicken, but by God it will do. a possum's good for you. It sure don't taste like chicken, but by God it will do. Possum's good for you. Possum's good for you. It sure don't taste like chicken, but by God it will do. Et voilà, c'était The Subway Cowboys, donc un groupe de Parisiens, tu disais, Jérôme. C'est ça. Qui nous propose donc de la country. Alors, Guillaume, tu vas nous expliquer pourquoi ce festival s'appelle La Forge. Oui, bah pour une raison toute simple, hein, c'est que il y a quelques décennies, il existait une forge à Quart. Et le nouveau propriétaire a tout restauré. Et donc la forge, en gros, c'est de la vieille mécanique, c'est des bidons d'huile, c'est des vieilles plaques émaillées. Donc c'est toute une ambiance. Et donc on utilise la forge plutôt comme bar. Et alors on y retrouve le DJ et on termine la soirée comme on peut ou comme on veut. Tous dans la forge. Quoi. Donc c'est une ambiance assez particulière, la forge quand même. Ok, donc dans la forge, il n'y a pas de groupe. Ils sont soit dans la cour, donc pour les Éloïs et Subway Cowboys. C'est ça. Et ou alors dans le chapiteau. C'est ça, voilà. Okay. Donc, ouais, donc la forge, c'est un bar. C'est okay. Un bar. En même temps, on ne sait pas y mettre des milliers de personnes. Hein, donc c'est... Voilà. C'est le royaume de DJ Bull. Exactement, ouais. Exactement, c'est ça. Okay. On va se refaire un petit Subway Cowboys, très Jérôme, bien. D'accord? Très bien, ça me va. Vas-y, Francis. Time to take a break. C'est le titre. Et c'est le moment aussi. Ouais, tout à fait. Allons-y. Bailing in the bed. near. Time to take a break. Time to take a break. Time to have a beer. Take out my guitar and settle here. Turn it to this place. Play it loud and clear. Time to take a break. Time to take a break. Time to have a beer. Take out my guitar and settle here. Jérôme, deux groupes d'Intersène, Lazy Louis et The Subway Cowboys, que l'on vient de réécouter. Ils jouent combien de temps, combien de fois? Alors, c'est deux fois une demi-heure. Oui. Et en fait, ils balancent entre les. Donc, ils ouvrent, on ouvre sur la petite scène avec un groupe pendant trois quarts d'heure. Donc, après, c'est l'enchaînement, c'est à chaque fois une demi-heure. Entre les groupes de la grande scène. Oui. Quoi. Donc à ce moment-là, c'est... si on l'a raté en début de festivité, fois, on peut le revoir après. Plus tard. D'accord. Elle est quand même couverte, la cour, Guillaume? Non. Non, non, sinon il n'y aura pas de challenge, il n'y aura pas de risque. Sinon, quoi? Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de risque. Évidemment. C'est rien. Si on vient avec un parapluie s'il mais faut. Évidemment, bah, évidemment. Mais évidemment, ça fait partie du... du festival, oui. Il pleut une année sur deux. Oui. Ah, et alors l'année dernière, qu'est-ce qu'il a fait? Devrais-je dire que l'année passée, il a fait bon. Non, mais on dit qu'il a plu. Non, mais voilà, c'est comme ça. En Belgique, c'est pas évident, mais je pense que le fait que ce soit en plein air, du moins en partie, ça apporte aussi une certaine ambiance. Si on était enfermé sous chapiteau toute la soirée, bon, ce serait pas la même chose. Donc voilà, il y a moyen d'être à l'abri, mais c'est clair que... S'il pleut, bah, ça passe, hein, y a pas de souci. Hein. Oui. Y a pas... Mais c'est aussi pour le public un challenge de venir et d'assister à quelque chose. Moi, je me souviens du festival à Wespelaar, le swing, qui est en plein air, puisqu'il est dans la ville. Là, y a vraiment... Et on était tous sous les parapluies. Les musiciens fumaient tellement il pleuvait. Quoi, mais bon. Ça fait partie. Ça laisse un souvenir, oui. Justement, ah comme quand il y a des intempéries. Ouais. La première année, il fait catastrophique. Et les gens nous reparlent de cette première année, parce que c'était vraiment la grosse débrouille. Quoi. Ouais. On en rigole maintenant, bon, le jour même, forcément, c'est un peu moins marrant. Pour les organisateurs, oui, c'est pour flippant. Pour nous, c'est un stress. Ouais. C'est... Enfin, oui. L'année passée, il s'est mis à pleuvoir à 18h, bon. Heure d'ouverture. Gênant. Mais bon, ça a été. Alors, on continue avec la programmation et on attaque la grande scène. Avec quel groupe, alors, Jérôme? Galia and Voodoo Casino. Donc, c'est un groupe belge. Oui. Galia, c'est une musicienne... de rue, si je puis me dire. Donc c'est une, elle passe la plupart de son temps à jouer de la guitare dans les métros bruxellois. Et voilà, elle a toujours fait des featuring avec des groupes, etc. Elle a voulu lancer son groupe à elle. Donc du coup, voilà, c'est Voodoo Casino. Que j'avais déjà entendu parler, etc. Que j'avais déjà entendu. Et j'ai eu l'occasion de jouer à un festival avec eux. Et voilà, moi j'ai bien aimé, et puis voilà, Galia, elle vient d'enregistrer un album aux États-Unis et tout, donc elle fait très bien ça, donc voilà, du coup, elle a la forge logiquement, cette année. Et donc voilà. Ça c'est ça, vas-y Francis ouais. Saw the fried chicken. I know you heard about the gamble, that's for sure. Jambalaya, alligator, and a whole lot more. But then, let me tell you this. You've been checking and checking all night long, tricking and jiving all along. I'm sure you'll be a finger lick when you try that 4 a.m. fried chicken. So if you got a walking mouse and mice, steal a bike or a hitchhike. We'll find that last place open new. wishes you got a bad resistance. Double que je vous passe here. One more time in the line for a fried chicken. Hear me finger licking. Yeah, we'll be drinking and shaking all night long. Chicken and jiving all along. I'm sure you'll be a finger flick when you try that for him. Fried chicken. Now I'm sure you'll be a finger lick when you try that for him. Fried chicken. Then I'm sure you'll be a finger lick when you try that for him. Fried chicken. That for him. Fried chicken. That for him. Fried chicken. Mmm, finger licking good. Troisième groupe donc pour ce festival, la Forge Festival, qui a lieu le samedi 7 octobre à Quartz, près de Tournai. Troisième style musical, Jérôme. Voilà, voilà, Galia et Voodoo Casino, ils s'expriment comme Voodoo Billy. Donc voilà, c'est un peu un mélange de rock and roll, blues, et voilà, sauce un peu voodoo, très... avec très nuancé, voilà. Après, c'est... ils se définissent comme ça. Après, je ne peux pas définir très bien le Voodoo Billy, mais voilà. C'est... et avec une chanteuse avec une très jolie voix. Oui, tout à fait, et pas que, si je peux me permettre. Il l'a dit, il l'a dit. Il m'a lancé la perche, donc voilà. J'ai... On soigne nos artistes. Et notre public, pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est agréable d'avoir une jolie présence sur scène. Tout à fait. Il n'y a pas que les dames qui sont bien sur scène. Y a des... On va y aller, donc. Les mecs. Oui, je parle. Ah, c'est toi qui veux y aller, là, aussi. Je ne sais pas. Donc, on va revenir à cette programmation, Galia and Voodoo, Casino, donc à la Forge Festival. On écoute un deuxième titre. Très bien. Allons-y. Let the demons out. Ah. My consciousness take a break. I'm gonna release myself from my deepest soul. Let the demons out. Let the demons out. Cause you can hide from yourself. So yeah, don't wanna lie. And if you wanna cry, I just cry. Jérôme, ça serait un bon moment. Ouais, je pense, ouais. Et puis voilà, c'est l'ouverture de la grande scène. De la grande scène, 19h30. 19h30. Oui. Donc un démarrage tout en féminité. Et on continue en féminité, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, avec Crystal and Running Wild. Oui. Où là, c'est plus du rockabilly, groupe belge. Et avec Crystal au chant, et voilà, c'est du rockabilly assez sauvage, pour dire de mettre les gens en folie sur le plancher du chapiteau, pour continuer cette soirée au niveau de la grande scène. Yeah. On écoute Crystal and Voodoo Wild. Running Wild. Running Pardon. Wild, j'étais sur Jimi ouais, Hendrix. J'étais partie. Crystal and Running Wild, très jolie voix, n'est-ce pas, Jérôme? Guillaume. Non, Guillaume. Très jolie voix. Tu t'arrêtes là? Tout à fait. Je ne sais pas qui m'écoute. Alors, Guillaume et Jérôme sont très contents d'avoir deux dames sur scène. Et voilà. Nos festivaliers fait... aussi, on oui. a dit. Bah non, mais une touche féminine fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on a... Ouais, ça change un peu, puis... Je trouve que parfois les femmes ont une prestance un peu différente sur scène qui fait que c'est agréable aussi. Quoi. Oui. Donc voilà, pour notre plus grand plaisir. C'est très bien. Donc je rappelle que nous sommes en train de survoler la programmation de la Forge Festival qui a lieu le samedi 7 octobre à Quartz, près de Tournai, qui commence à 18h et dont le ticket est au prix de 7€. Donc, Guillaume, tu rappelles un peu comment ça se passe? Au niveau du site? Oui, du site, oui, c'est ça. Mais, ouais, donc le site est scindé en trois... Enfin, scindé. Il y a trois endroits clés dans le site. Donc, il y a la cour avec la petite scène dont on parlait tout à l'heure. Puis, alors, on a le côté verger avec le chapiteau, la scène principale. Et le grand bar, avec aussi le hangar où on aura nos burgers maison. Ah oui, il y a à manger justement. Ouais, il y a à manger, bah ouais, c'est ça, bah on peut pas laisser les gens le ventre vide, hein. on les remplit de monnaie, faut bien compenser un peu. Et donc, on avait dit pas de pub à la... Ah pardon, c'est pas grave. Mais, donc des burgers maison, avec de la vraie viande. Avec de la vraie viande du boucher du coin, avec le vrai pain phallus de la boulangerie d'à côté, et avec sauce maison, avec les légumes bio du maraîcher d'à côté aussi. Super. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est devenu quelque chose d'important, les gens y accordent une certaine importance. Et donc nous aussi, on est, depuis le début, on a essayé de faire attention à ça. On a toujours utilisé des gobelets réutilisables aussi. On a fait la promotion de la bière régionale. Je pense que ça colle parfaitement au cadre de la forge. Et les gens viennent aussi pour ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est une petite touche qui est importante dans le festival. Très bien, on continue avec la programmation. On repasse à des messieurs. On est à qui là maintenant? Je ne sais plus. Oh non, on va s'en faire un petit deuxième. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, bien sûr qu'on se refait un petit deuxième. Voilà. De Crystal, tu es... Il ne l'a pas encore vu, qu'il a trouvé déjà. Ouais, c'est ça. C'est Francis qui réclame. Il a réclamé. Là. Avec insistance. Vas-y, Francis, je te laisse la main. Je vous crois sur parole, elle a un très joli brin de voix et... Et pas que, comme disait l'autre. Voilà, comme disait Jérôme. Allez. Était bête en effet, Francis, de louper ce deuxième titre de Crystal and Running Wild. C'est vrai qu'elle a une jolie voix et on verra ça sur scène donc le samedi 7 octobre à Quartz pour la Forge Festival. On continue. Alors, il y a une tête d'affiche mais qui ne passe pas en fin de festival, hein, qui est donc, je vais te laisser annoncer quand même la tête d'affiche. Ouais, voilà, donc c'est le groupe allemand Bibi and the Blue Shacks qui tourne sur les scènes blues internationales depuis maintenant 30 ans, pratiquement. Et voilà, Ils sortent leur nouvel album une semaine avant le festival, donc ils les auront dans leur valise au festival, donc ça, c'est un plus. Et puis voilà, c'est des pointures avec une renommée de dingue pour ce groupe-là, parce que ouais, ils ont fait toutes les scènes, ils sont reconnus partout, tous les festivals de blues où j'ai été. Et je disais que voilà, il y avait Bibi and the Blue Shacks, tout le monde était unanime sur le fait que voilà, oui, c'est on les a déjà une institution nous, au niveau du blues, donc c'est un honneur de les avoir chez nous, quoi. Mais je crois qu'on passe d'abord. Qu'est-ce que tu as prévu là, Francis? Le Bibi and the Blue Shacks, ah, c'est bon? On peut passer, on peut passer Bibi. Un petit Bibi. Allez, très alors bien. On passe un petit Bibi. Vas-y. Thank you. de Blue Shacks, les Allemands, donc tête d'affiche de cette 7e édition de la Forge Festival, mais qui passeront sur scène à... C'est aux alentours de 23h, je n'ai pas l'heure exacte. Okay. Mais ils ne passent pas en dernier, je veux dire. Non, c'est pas une clôture. Il y a un groupe de clôture. Ouais, c'est ça. Après, il y aura un groupe de clôture. Mais voilà. Après, Bibi and Blue Shacks, on les met à une heure de bonne audience, on va dire. Voilà, un moment stratégique de la soirée. Et voilà, après, c'est marrant de voir un groupe comme Bibi and Blue Shacks venir, comme les années précédentes, avec les têtes d'affiche des années précédentes, de se dire que des groupes de ce niveau-là viennent dans un village, comme disait Guillaume tout à l'heure, de 200 habitants et qui viennent jouer là. C'est assez particulier. Du coup, ça apporte une touche en plus. On avait fait une petite anecdote là-dessus. On avait eu All In Bill qui était venu il y a 2 ou 3 ans, je pense, qui avait quand même remporté le concours européen de blues. Donc, c'était quand même une pointure du blues. Et on était allé le revoir à l'ancienne Belgique, à Bruxelles. Ouais. Et on l'avait vu après, donc on est allé l'accoster en se disant « ce gars-là ne se souviendra jamais de nous ». Et quand on a dit « La Forge », il nous a dit « ah ouais, La Forge, je me souviens bien, c'est le seul festival où il y a un bar sur scène pour les artistes ». C'est vrai, il y a un bar sur scène. Il y a un bar sur scène pour les artistes. Et mais donc voilà, ce sont des gars qui font des salles, des grosses salles, des gros festivals, mais qui ont l'humilité de venir encore dans des plus petits trucs et qui visiblement passent de très bons moments. Quoi. Oui. Donc c'est un chouette retour. Mais la façon dont vous parlez du festival, c'est vrai que ça donne envie de venir. Ah ben nous on le kiffe. Hein. Ouais. On aimerait bien le faire en tant que festivalier une fois vraiment. Une année on aura assez de bénévoles que pour pouvoir se dédouaner de toute tâche. C'est ça. Ouais. Mais je pense que dès l'instant où on peut pas, il y en a qui bénéficient d'un nom, d'un lieu, qui font, enfin ça tout ça fait que les gens viennent, mais nous on est obligé de trouver autre chose. Et donc je crois que l'ambiance et le cadre. Ouais, le cadre, enfin le cadre donne envie. Ouais, c'est clairement c'est notre atout, quoi, clairement, bien sûr. Ouais. Voilà, petite anecdote parenthèse, pardon. Voilà. En plus la bonne occasion d'avoir Bibi and the Blue Shacks. Le 7 octobre, c'est qu'une semaine avant, ils sortent leur nouvel album. Et du coup, voilà, ils l'auront avec eux pour le festival. Donc, il s'appelle comment ce nouvel album ? Reservation Blues, qu'on peut entendre incessamment sous peu, je pense. Comme vous voulez, on y va. Reservation Blues. Save all sweets for me and clean up that old honeycomb. sommes avec Jérôme et Guillaume en train de présenter la programmation de la 7e édition de la Forge Festival qui a lieu à Quartz, près de Tournai, le samedi 7 octobre. 6 groupes, 7 euros l'entrée. Et au fait, on n'aurait pas des petites invitations ? Ah si, on a toujours des petites invitations en poche, pas de problème. Alors, juste à coup de fil ? Un petit jeu ? Non, on n'y a pas pensé, à vrai dire, je ne sais pas. Ah, on peut éventuellement Allez. Demander quel était le titre de, du morceau de Bibi and the Blue Shake du nouvel album. Le titre ? Qui est aussi le titre de l'album. Allez, quel est le titre de l'album, d'album à sortir de Bibi and the Blue Shake ? Vous nous appelez au 0032, ça c'est pour les Français, 0032 56 34 07 83 et pour nos amis belges au 056, je me trompe pas, non, 34 07 83. On vous attend si possible pendant un morceau musical. Voilà donc pour gagner une entrée à cette 7e édition de la Forge Festival qui a lieu le samedi 7 octobre à Quartz. On se repasse un troisième Bibi and the Blue Shake. Bah, vu que c'est la Quand tête d'affiche, on aime, on ne compte pas. Voilà, on peut y aller. En plus, c'est un live, donc ça permet de nous mettre dans l'ambiance en vue du festival. Allons-y. So time how to move to the groove and wear a big smile. Stomping and rolling, yo, stomping and rolling, yo, stomping and rolling like you never did before. Soon as I was slamming my back door, and honey made with a little as she can. Hope you don't think that I'm a mighty mighty man. Go stomping and rolling, go stomping and rolling, go stomping and rolling like you never did before. Ow! Go stomping and rolling, go stomping and rolling, go stomping and rolling, go stomping and rolling, go stomping and rolling like you never did before. Yeah. Jérôme, tu es ravi. Ah ouais, bah c'est... On ne le tient plus. Ouais, voilà, c'est ça. Vous auriez vu comment il dansait dans la scène. Ah dans ouais, ouais, ouais, c'est... Rassieds-toi, descends de cette table. Voilà, c'est ça. C'est ma cam, hein, ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on continue avec le dernier groupe, ça y est, on arrive à la fin. The Spunny Boys, des Belges, je crois. Non des Français. Français des gens des Hauts-de-France. De la, ben, des Hauts-de-France. Exactement, madame. Béthune. Et ah, oui, tu m'as dit tout ouais. à l'heure, oui. Et voilà, en fait, l'année passée, on avait une programmation très, très blues. Et voilà, les gens nous avaient fait part du fait que, vu qu'on avait déjà eu du rockabilly dans les éditions précédentes, ils avaient dit, ouais, ce serait bien qu'on revoie un petit peu de rockabilly tout en gardant le blues. Mmh, et voilà, bien. Du coup... Là, voilà, vous avez fait un petit mélange, très bien. Voilà, on a concocté une affiche qui mixe un peu tout ça. Et du coup, on a du rockabilly avec Christian et René Gwald un petit peu plus tôt dans la soirée. Voilà, pour clôturer la soirée... en folie, et ben oui. Voilà, on aura du rockabilly avec les Spoonie Boys, tout à fait, qui sont très, très festifs et très communicatifs avec le public, etc. Donc, c'est parfait pour terminer la soirée en beauté avant d'aller voir DJ Bull dans la forge. Pour danser, danser sur le bar. C'est ça, entre autres. Vas-y, Francis. Non, non, ne danse pas sur le bar, envoie la musique. Bartender, I got some money to tender. Do you job? Do it well. Don't wait there. The hands on the clock are running. Your hand on my buck is wanting. You ring the bell and everybody knows. Now it brings a drink inside to a close. Don't ring it, don't hit it, don't ring the bell. Don't ring it, don't hit it, don't ring the bell. Putain, plus rien à boire. Oh là là. Oh, quel bonheur. Impeccable. Boys, donc un groupe de la région de Béthune. Tu voulais la moto à la fin, Francis ? Mais non, je découvre avec vous. Je ne savais pas qu'il y avait une pétarade à la fin comme ça. Petit morceau caché. Ouais. Donc, ce groupe clôturera la 7e édition de la Forge Festival. Je le répète, ça se passe à Quartz, c'est le samedi 7 octobre. Ça commence à 18h, ça se termine... Pouf. Pas trop tard, on doit ranger le lendemain quand même. Ouais. Non, c'est samedi, vous avez tout le dimanche. Oui, il y a messe. non, 4 heures, théoriquement 4 heures. Et donc c'est au prix de 7 euros. C'est ça, oui. 6 gros pour 7 euros, franchement, c'est pour rien. Vous faites un bon festival, là, et enfin, ça se voit que vous prenez vraiment plaisir à préparer ça, à le présenter. C'est notre ligne de conduite, hein, le plaisir. Ouais. Hein, dès l'instant, il n'y a plus ça. Ouais. On reste chez soi et on aura vraiment le temps d'aller à messe. Quoi. Ouais. Tu aimes aller à messe, Guillaume ? Absolument pas. Et pas pour te plaindre, on se repasse un petit Spunny Boys. Vas-y, Francis. Allons, on confesse. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a lot of pretty women ready up there. They all leave in the devil and the care. And I'm just a devil with a heart to spare. Fortune won or lost on every deal. All I need is a song called Love Us Too. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Well, Viva Las Vegas, even neon flashing, and your woman played a scratch on pumps on the train. Viva Las Vegas, shame the day and tonight, shame the night and today. If you see it once, never be the same again. Lest the dice stay hot, let me shoot a seven in every shot. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Donc Spoonie Boys, qui avec le titre Viva Las Vegas, puisqu'ils ont joué à Las Vegas au mois de juin, il me semble, et au mois de novembre, du coup, après le festival, ils partent. Ils prennent l'avion, comme on l'a si bien entendu dans le morceau, pour aller faire une tournée au Japon. Donc voilà, ça marche plutôt bien pour eux. Et du coup, c'est cool qu'ils passent par chez nous, entre Las Vegas et le Japon. En même temps, Quartet est une destination incontournable entre Las Vegas et le Japon, ça me semble normal. Bien sûr, c'est sur la route. C'est ça. Alors, vous êtes jeunes, très jeunes, tous les deux. Je vais commencer par Guillaume. Comment êtes-vous tombé dans cette organisation de festival et dans le blues? Mais, en fait, avec Sébastien qui n'est pas là ce soir... On a quand même un gros fantasme, c'est de se retrouver sur scène comme ça. Quand on voit le plaisir que les musiciens ont quand ils sont sur scène, on se dit que ça doit quand même être un réel kiff que d'être faire quelque chose qu'on aime et en même temps donner du plaisir aux gens. Oui. Bon, voilà, ça, donc ça c'est théoriquement, c'est comme ça qu'on aurait bien voulu que ça se passe, sauf que, assurément, avec un instrument dans les mains, on n'est pas très bon. Et donc, autour d'une bière et plus, on se disait, tiens, voilà comment on pourrait vivre la musique autrement, puisqu'on ne peut pas la jouer. Enfin, on ne sait pas la jouer, du moins si on veut préserver les oreilles des autres. Et du coup, on s'est dit, voilà, autant faire jouer les autres pour nous. Je crois que c'est comme ça que ça a démarré, quoi, tout simplement. Quoi. Mais vous connaissiez quand même des groupes ou... Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on a le... Ou c'est papa et maman qui ont aidé ? Sûrement pas, non, mon Dieu, non. Non, non, du tout, du tout. Non, non, en fait, depuis qu'on... Nos sorties, ça a toujours été des concerts, des festivals. Enfin, en tant qu'adolescent, là où les autres sortaient dans d'autres soirées, nous, on était branchés musique, concert. Ouais. Et donc, on connaissait déjà une paire de groupes. Et d'ailleurs, Jérôme, qui nous a rejoint après, qui est venu avec les Rockin' pour la première année. Donc, la première année, ça a été des groupes qu'on connaissait. Et puis, avec Jérôme, qui a intégré l'équipe, bah voilà, on a élargi un peu notre champ d'action pour les groupes. Quoi. Donc, ça a commencé comme ça, une soirée un peu trop arrosée et un défi entre deux copains. Mmh. Qui finalement a pas si mal tourné que ça. Oui, c'est très bien, oui, c'est très bien, très bien. Puis trouver le lieu et tout, c'est vrai que... Ouais, c'est alors, ça. Est-ce que c'est parce que la forge est à côté de chez tes parents que ça s'est fait comme ça? Ou est-ce que ça... Ouais, si, bah, c'était... Je pense qu'on a de toute façon même pas hésité une seule seconde. C'était clair dans notre tête directement que c'était là qu'on voulait le faire. On voulait pas faire ça dans une salle, on voulait pas faire ça au milieu d'un champ de nulle part. On avait la forge qui était là, qui créait déjà une ambiance, hein. C'était un point de départ qui était quand même appréciable. Et donc voilà, on s'est développé autour de cette forge. Et puis il y avait le voisin qui nous a accueillis, avec qui on passait beaucoup de temps, qui était musicien, et qui nous a accueillis bien gentiment pour mettre la scène la première année. Quoi. C'est bien. Voilà. On a démarré ainsi. La Forge est un bar ouvert toute l'année. Du tout, non, ah, non du même tout. Pas. C'est un. Non, non, c'est privé. Et c'est absolument pas un bar le reste du croyais. Temps. C'est. Non, non, c'est rempli de motos, d'un vieux billard. Et voilà, c'est ça la Forge le restant de l'année. Okay. Donc, non, non, du tout. Ouverture exceptionnelle cet octobre. À voir absolument alors. Exactement, bien sûr. Et toi, Jérôme, comment es-tu tombé dans ce festival et dans l'organisation? Je pense que à la base, si je m'en souviens bien, c'est voilà, moi ça fait 10 ans maintenant que je fais des concerts, que je tourne. Toi, tu es musicien. Voilà, moi je suis musicien. Vas-y, dis. Donc voilà, ça faisait 10 ans que je tourne dans les festivals, et donc à mon avis, on a dû se croiser à un festival. Ouais. Moi, je m'en souviens très très bien de ce festival, hein, d'ailleurs en plus. Donc voilà, et puis voilà, ils ont dit. Bah voilà, on aimerait bien organiser un festival, c'est notre première année, donc du coup, voilà, évidemment, on a dit oui. Et puis voilà, on jouait là, et puis moi, à ce moment-là, moi j'étais dispo, donc j'ai aidé à préparer le truc, parce que voilà, ça m'intéressait de voir le côté, l'autre côté d'un festival, plutôt que d'y jouer ou d'y participer. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'organisation, et après, par la suite, plus la programmation. Ouais. Mais... Et alors, tu joues de quel instrument? Guitare, et je chante aussi. Ok, et alors, ton groupe s'appelle? Alors, j'ai un groupe de rockabilly blues qui est Rockin' and Drinking Guys, et puis j'ai un groupe plus blues qui est Power Shake. Ok, et Power Shake. Qu'on a utilisé notamment pour... La bande-annonce du festival. Oui, qu'on écoutera la fin tout à l'heure. Voilà. Power Shake qui a quand même ouvert le Roots and Roses l'année dernière, hein, faut le dire. Oui, vous le dites très bien. Qui avait ouvert la Forge précédemment. Oui, oui, on a fait notre premier concert l'année passée à la Forge. Ouais, en fait, on sert de test pour ces groupes. Voilà, c'est ça. On est le tremplin du Roots. Non, non, mais voilà, donc moi c'est par la musique, mais en jouant la musique, parce que visiblement j'ai plus de talent à ce niveau-là que Guillaume. que voilà, c'est comme ça que moi je suis rentré dans le festival. Dans l'organisation, c'est très bien. Alors je ne sais encore une fois plus où on en est, on a passé les deux titres de Spony Boys? Oui, on a passé les deux titres, on peut passer au bar. Donc on va passer à DJ bar Bull et au bar, oui. DJ Bull, donc voilà, c'est notre DJ rockabilly. Il est belge, je suppose, il oui, est du coin région de Charleroi. Ouais. Et voilà, il fait pas mal de festivals. Festivals, moi, forcément, j'ai joué beaucoup de festivals où il était là. Et voilà, il est vraiment dans le décor. pour moi, la forme, pour l'avoir vu dans pas mal de festivals, pour moi, la meilleure place où je l'ai vu, c'est clairement dans la Forge. Okay. Où là, c'est vraiment l'ambiance festive et tout. Et puis, voilà, il est à chaque fois ravi. Et il donc, fait il vient la tous fête. Les ans ouais, ça fait trois ans. Ça fait troisième fois. Trois ans qu'il est là. Ouais, il arrive à faire bouger des gens qui. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans la Forge et qui restent toute la soirée. Ils ne décollent pas devant un concert. Mais il arrive à faire bouger ces gens qui, et à leur faire écouter des morceaux qu'ils n'écoutent jamais. Quoi, mm-hmm. Et c'est impressionnant de voir comment les gens réagissent. Ouais. Il y a vraiment une atmosphère. C'est, ouais. C'est assez incroyable. Et c'est vrai que clôturer la soirée là-dedans, c'est génial. Quoi. Enfin, ouais. C'est parfait. Ok. Fais ça très bien. On s'écoute un petit DJ Bull. Ouais, un petit rockab mixé par un DJ Bull. Every Friday night about 9 p.m. he gets the car keys from his old man. It's a red Cadillac with a whole lot of chrome. Dad sure is glad when he gets home. He's the coolest cat that ever was alive. Got a red Cadillac, jukebox drive. You may think that you are hip. You ain't never seen nothing like this trip. Got push-button drive, riding the side. The biggest tail fins that ever did ride. Just push the button and sure is quick. One hand on the wheel and the other on your chick. About 10 p.m., he heads for the driving. All the babes know when he's arriving. Got his radio blasting some crazy sound. His white sport coat and his ragtop down. He's the coolest cat that ever was alive. Got a red Cadillac, the jukebox drive. Choo, choo, jukebox drive. Choo, choo, jukebox drive. Choo, choo, jukebox drive. Choo, choo, jukebox drive. He's the coolest cat that ever was alive. Got a red Cadillac, the jukebox drive. Someplace nice and quiet and dark. Got his arms around a chick in a hot pink sweater. When he sees a green light in his rearview mirror, suddenly a saucer comes out of the sky. Flies away with that real cool guy. Inside the coupe, he checks out the rig. Not much chrome, but it sure is big. The little green men let him take the wheel, just to see how a flying saucer feel. They say push the button on the left side. This here saucer's got jukebox drive. Later that night they let him down, just about a half a mile from town. Everybody thought he flipped his lid, except for the chick who's seen what he did. To her, he's still the coolest guy alive. Got a red Cadillac with jukebox drive. Juke, juke, jukebox drive. Juke, juke, jukebox drive. Juke, juke, jukebox drive. Juke, juke, jukebox drive. He's the coolest cat that ever was alive. Got a red Cadillac with jukebox drive. Et donc DJ Bull qui met l'ambiance pour terminer ce festival. Voilà, c'est pour c'est des morceaux qui passent régulièrement, voilà, qui permettent de donner une idée comment ça va se terminer. Ouais. Ouais. Donc on vient de voir toute la programmation de La Forge Festival, 7e édition, ça se passe à Quartz, près de Tournai. C'est le 7 octobre, ça commence à 18h. Je vais te laisser, tiens, redire les groupes si tu veux bien. Ouais, donc on démarre avec la petite scène où on va retrouver Lazy Louis et Subway Cowboys. Et puis sur la grande scène, on va démarrer avec Galia et Voodoo Casino, puis Crystal and Running Wild, Bibi and the Blue Shacks, et puis en clôture Spoonie Boys, et puis clôture de clôture dans la forge avec DJ Bull pour faire la fête toute la nuit ou presque. Et donc on disait que Guillaume, ça se passe dans un jardin, enfin dans un verger. Ouais, c'est ça, c'est un lieu un peu atypique. Hein. Ouais. Ça et fait alors, partie de la forge. Je suppose que vous fléchez bien en sortie d'autoroute. De toute façon, ouais, c'est très simple. De l'instant où vous sortez de l'autoroute, gauche-gauche, et puis c'est toujours tout droit. Gauche-gauche. Ou droite-droite, ça dépend comment vous sortez. c'est ça. On est déjà perdu, là, Guillaume, non, non. Le GPS est votre ami. Mais de toute façon, Quart est bien connu hein, entre Las Vegas et le Japon. C'est ça. Allez, on se refait un petit DJ Bull. Vas-y, Francis. Give me a good-looking woman and an automobile, a tank full of gas and $100 bill, all right. I'll be all right. I'll be all right tonight, it's Saturday night. I wanna love you, baby, good and strong. Love you, baby, all night long, all right. I'll be all right. I'll take you dining and dancing all around town, all right. I'll be all right. Yeah, I'll be all right. Tonight is Saturday night. D-Man! Put on my dancing shoes, man. I'm gonna go to town tonight. Jumping, buddy. Le festival est terminé. Déjà, allez hop, on remballe. Ouais, avant d'aller à Metz. Mais non, nous ne sommes pas encore le 7 octobre. Ça se passe à Quartz, près de Tournai. C'est la Forge Festival. Ça commence à 18h, c'est au prix de 7 euros. Et voilà, et on avait ce soir dans les studios Jérôme et Guillaume qui sont venus nous présenter ce festival. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Bien sympa. Bah ouais. Et on va terminer donc cette émission avec le teaser du festival. Je vais te laisser expliquer, Jérôme. Voilà, c'est ça. En fait, ça fait 2 ans qu'on tourne. Voilà, on essaie de vendre le festival un petit peu différemment et à notre manière. Et voilà, ça fait 2 ans qu'on tourne une espèce de bande-annonce. Donc c'est un petit movie qu'on fait où ça montre un petit peu l'ambiance et ça met déjà l'ambiance pour le festival. Et donc voilà, ici, pour la bande-son de cette année, on a utilisé le morceau de Parochet, qui est Boogie House. Qui nous a coûté une fortune, voilà. Un droit, vous n'imaginez même pas. C'est ça. Et donc l'année dernière, vous aviez eu combien de spectateurs? 1200 l'année passée. Ah, cette année, on fait quoi? 1500? Non, ça passe pas. On rêve secrètement, mais on a l'humilité de le faire. Allez, allez. Non, mais si on peut avoir... Si on peut faire 1201. 1201, mais de toute façon, 1201 et du soleil, parfait, non? Ouais. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite en tous les cas. C'est bien gentil. Et on termine donc avec... Tu voulais dire quelque chose, Francis? Non, on va terminer avec Power Check, donc ouais. le groupe de Jérôme, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Et puis, on passera pas la main à Back to the Roots. Ah non, il n'y a pas. Yost n'est pas là ce soir. Voilà, à la semaine prochaine, à en tous les cas, prochaine. Pour nous. Bye bye. Merci beaucoup pour l'invitation.